À partir de 10h30, je vais déjà publier, tant sur mon fil Twitter que Facebook, la déclaration pourquoi j'aimerais être le maire de Montréal, pourquoi j'aimerais servir les intérêts des Montréalais et des Montréalaises. Alors, manquez pas ça, vous allez avoir la primeur par rapport aux médias traditionnels. C'est ça, être du 21e siècle. À tantôt. Richesse naturelle encore plus précieuse que le gaz de schiste, et heureusement, le PQ ne pourra jamais le faire taire avec un moratoire. Accueillons votre animateur, Jean-Philippe Baudier. Hey! Bonsoir tout le monde! Il est à peine 19h, la soirée est encore jeune, ce qui va nous permettre de nous remettre du retour de Chris Hadfield dans notre astronaute. Hein? Après 5 mois passés dans l'espace, Fred Savard, bonsoir. Bonsoir. C'était quoi? Ben, c'était un bonsoir dans l'espace. Ah! Hey, non, mais quelle épopée! Ah oui. Hein? Non, mais on a tout suivi ça, ah, hein? Oui. Hein? Il a envoyé des petits tweets, hein? Il a envoyé des petites vidéos, il a enregistré des petites chansons, il nous a montré comment envoyer des peanuts dans l'espace. C'était capoté, pareil. Ah, malade. C'était fou. T'as ça demandé, même s'il a eu le temps de faire un peu de science, hein? Voilà, mon pire. Je sais pas si. Mais non, il retournera, c'est pas un problème. Ouais, c'est ça. Je sais pas. Ah, il paraît que son retour sur Terre, ça n'a pas été si facile. Ah oui, il a le mal de terre. C'est pas tant ça, il a reçu un sale bill de cellulaire. Ah! Écoute, veux pas à tweeter de même, je veux dire. Il a pas pris le bon forfait. Puis c'est embêtant aussi, quel forfait tu prends, parce que tu changes de zone tout le temps. C'est vrai. Tu vis. Zone Canada. Regarde, ben c'est ça. Regarde, ben c'est fou, hein, cette affaire-là. Non, mais en même temps, c'est pas tout, hein, parce qu'il paraît qu'il y a beaucoup, beaucoup de difficultés à se réajuster à la gravité. Ah, ben ça c'est ce qu'il appelle le syndrome de Nicodère, je pense. Oui, c'est ça. C'est pas capable de porter à terre. Et voilà. Ouais, ça c'est. En plus, il paraît que Denis a son propre système de gravité. Hein. Oui. Ouais, ça. C'est lui le soleil. Oui, ben il y a. Le maire soleil, on appelle. Le maire soleil. Ouais. Mais il y a beaucoup de monde qui tourne autour, il va en avoir de plus en plus. Oui, mais ben surtout avec les derniers sondages, hein, il est en tête, le beau Denis. Oui, oui. En même temps, on l'a vu, hein, les sondages, puis on l'a vu en Colombie-Britannique, hein, ouais. Ça veut pas dire grand-chose. Hein. Je sais pas si vous avez vu ça. Le Parti libéral, il perdait par 20 points ouais. juste avant les élections. Paf! Il remporte les élections majoritaires. Ah, hein? Les sondages. Ben, c'est ça. Regarde, moi, je vous le dis, là. Si un jour mon fils me dit, je veux devenir sondeur, je vous le dis, là. On me tue. Ben là. Non, je t'offrais pas ça. Ben, mais ça pourrait être pire. Il pourrait vouloir être ingénieur. Ingénieur. Ou Jean Lapierre. Ou Jean Lapierre. Ça serait pas ça. Ça, on veut pas ça. Ça, personne veut ça. Personne veut ça. Parlant d'ingénieur, on félicite d'ailleurs celui qui a trouvé une fissure de 6 mètres dans le pont Champlain cette semaine. 6 mètres quand même. C'est un petit. Mais heureusement, hein, Denis Coderre s'en vient. Et quand Denis Coderre va être là, cette fissure-là, il va régler ça. Ben, mais qu'est-ce qu'il fasse? Il va s'asseoir dedans. Le pont Champlain, c'est une compétence fédérale. Il ne peut rien faire. Justement, Fred. Alors, ouais. Denis Coderre, en plus, il est pas mal juste compétent. Fédéral. C'est pas mal sa seule compétence. Ouais. Ouais, mais en même temps, c'est ça que je dis, là. Hein. Pauvre Denis. Non, mais est-ce qu'il y a quelqu'un qui a déjà vu Denis passer à travers une craque? Et voilà! Hein? Denis passe pas à travers des craques, lui. C'est jamais. Ça. Jamais! C'est ça, être du 21e siècle. Oui, oui, il l'a dit. Hey, heureusement, Montréal a reçu une bonne nouvelle cette semaine. Oui. Alors, je sais pas si vous le saviez, mais Montréal est la ville en Amérique du Nord qui a reçu le plus de congrès en 2012 de toute l'Amérique du Nord. Bon. Hey, bravo! Bravo! Non, mais gars, on le sort autant. Maudite mentalité de fermeture sur soi. L'Amérique ben du Nord, voyons donc, pourquoi pas le monde? Ben voyons donc, Fred, le monde. Ben, OK, le monde. Pourquoi pas le monde? On va viser l'international. Puis tant qu'à ça, pourquoi s'arrêter là? Le sidéral, hein? Marché sidéral. Ben, Sidérie, c'est un beau marché. Ben oui. T'as fait raison. En plus, avec la mère qu'on a, là, Denis Coderre, ben oui. Évidemment, quand tu vas être élu. Hein? Il paraît que lui, son égo, là, elle est visible de la station spatiale. Et voilà. C'est ça. Même que la muraille de Chine a l'air d'un cure-dent à côté, il paraît. Oui. pas les gros cure-dents à brochettes. Non, les petits de la frile. Oui, c'est ça. Tu Denis mets a de la frile. Il y a de la frile avec sa nouvelle chevelure. C'est beau. Il y a un toupette. Il s'est fait un toupette. Oui. Non, mais ça a de l'allure. Je trouve que ça commence à avoir du bon sens, là. Hey, d'ailleurs, parlant de brochettes, on a été surpris d'apprendre cette semaine que l'ancienne présidente de la FEUC va maintenant être une collaboratrice à l'émission Franchement hystérique de Richard Martineau. Ben oui, mais et là, ça, c'est... Elle est en train d'aussi mal virer que Léo Bureau-Boulouin. Comment il l'appelle, Léo Bureau? Ben, regarde. Le monsieur, là. Le monsieur, ouais, c'est ça. Mais c'est moins pire que lui, parce qu'elle, au moins, a fait son âge. C'est vrai. Hein? C'est vrai. Léo, lui, il est sur le bord de sa retraite. Ah, il doit être 67. C'est son dernier mandat, je pense. Ah oui, ouais, c'est clair, regarde. Il reste plus grand temps, lui-là. Non, mais moi, ce qui m'inquiète avec Martine, c'est qu'elle n'a pas fini sa maîtrise. Elle a après 8 ans. Ben oui. 8 ans. Puis on sait qu'avec Richard, la maîtrise, c'est pas toujours c'est facile. Assez, c'est assez important, oui. Parlant de pas drôle, il y a l'ONU qui suggère aux pays en voie de développement de cultiver les insectes, faire l'élevage d'insectes pour prévenir les famines. Hey, franchement, on est content hein, de ne pas vivre dans ces pays-là. Les insectes. En même temps, on regarde la commission Charbonneau puis on se dit qu'on mange bien des couleuvres depuis un bon bout, hein, je pense. Oui. On n'est pas loin. Oui, mais c'est quand même pas des méchouis de sauterelles. Ouais, c'est vrai. Ça, c'est pas. Je dois pas être celui qui tourne les broches. Non, des petites manivelles. Ouais, des gros doigts. Oh, ouais. J'ai des gros doigts. Ça moi. Brûle vite. Non, mais je peux pas croire qu'il n'y a pas d'autres solutions, honnêtement. Ben, non, non. Les sauterelles. Les rebelles syriens en ont trouvé, là. J'ai vu ça cette semaine, la vidéo. Là. Ah oui, la vidéo du gars qui mange, qui fait son épicerie dedans un gars. Oui, dedans un soldat. Oui, oui, oui. Ben, gars, il n'y en a pas d'épicerie là-bas. J'en ai ouvert une. Il y a ouvert. Bon. Ouais. Faut se nourrir vite, c'est tout. Mais enfin. Non, mais on va pas commencer à manger du soldat. J'espère que non. Ah, c'est une viande qui est narrée. Hein. C'est narfé, ça. C'est ça. C'est tendu. Ouais. En même temps, ils font même pas cuire. Non. Fait, tu veux moi, pas, j'avoue, le tartare syrien, je suis pas fort là-dessus. Non, c'est clair. Mais en même temps, avec un petit oignon. Une petite moutarde, peut-être. Regarde, il y a un tour moyen bas. Hey, heureusement, on a deux invités qui sont à point cette semaine. Social. Oui, regarde. Pas gagné. On reçoit tout d'abord l'humoriste François Bellefeuille qui est habitué de faire des premières parties. Oui, hein? Oui. C'est ce qu'il fait avec Louis-José depuis presque un an. Et oui, Louis-José qui fait toujours dans le mot subtil. Tout à fait, tout à fait. Ça. Et d'ailleurs, François ne sera pas dépaysé parce qu'on reçoit après lui l'égérie de la droite, la chroniqueuse du National Post, Tasha Carradine. Qui fait aussi dans le mot subtil. Oui, tout à fait, tout à fait. On aura le temps de rire en masse avec François et avec Tasha. Ouais. Et vous, Fred, oui. La soirée est encore jeune. Tout à fait. Olivier, y a-t-il encore de ça, les internets? Ah, y a encore de ça. Et les gens peuvent nous suivre sur twitter.com/lasoirée, facebook.com/lasoirée oui. Encore jeune, et sur notre site radiotradunionCanada.ca/lasoirée, où ils pourront voir Claude Poirier danser la claquette et traiter Paul Rivard de Christophe de Cave. Oui, c'est très beau. C'est une vidéo mystérieuse que j'ai regardée à plusieurs reprises. Je ne la comprends pas. Hey, toujours est-il que c'était une grosse semaine d'actualité. Grosse semaine d'actualité. Hein? Tellement qu'on n'a pas eu le temps de parler du fait qu'on n'a pas remporté d'Olivier. Non. Mais on n'est pas amer. On n'a pas remporté d'Olivier. On n'est pas mal. Non. On n'est pas mal de ça. C'est pas un trophée qui. Non, on n'est pas mal. Un trophée fabriqué par l'industrie pour l'industrie. On n'est pas mal de ça. Ça ne nous intéresse pas. Non, on n'est pas mal de ça, honnêtement. Pas puis regarde, tout. Si Lise Dion est le type d'humour qu'on récompense, regarde, c'est correct. On n'est pas mal de ça. C'est ça qui est. Exactement. On n'est pas du tout mal de ça. Nous sommes des passionnés d'excellence. Ouais. C'est pas notre milieu. Ouais. C'est tout. On fait d'autres choses. C'est ça. Il n'y a pas de chicane. Non, non. On n'est pas mal. Non. Bravo à tous les gagnants, d'ailleurs. Ouais. De toute façon, j'ai gagné un Gémeaux déjà, moi, fait. Ah, rock, on vient de la main. Hey. Ça, c'est un j'ai un petit foyer, moi, deux trophées, ça rentre c'est pas. Un vrai trophée, ça, franchement. Regarde. Hey, notre premier invité. C'est un jeune humoriste qui s'est fait connaître avec son personnage de gars fâché avec les cheveux tout croche. Non, ce n'est pas Donald Trump. Accueillons François Bellefeuille. Hey, François Bellefeuille. Bonsoir. Comment ça va, François Bellefeuille? Ça va bien, ça va très bien. Ça va très bien? Oui, j'adore ça ici. Oui, ouais, ben c'est un autre type d'humour. C'est pas le type d'humour les gens qu'on récompense pas, c'est à Olivier. Plate, parce que t'es debout et t'as plein d'énergie. J'ai-tu plein d'énergie? Oui, même je pense que tu serais bon pour faire de l'humour sur scène. Je te regardais aller avec tes cheveux magiques. Ah, ben ça. veux-tu te dire, c'est des heures de préparation, ça? Ah ouais. Ouais, non, non. Ouais. Ouais, oui. Vous pouvez bien parler, vous? Oui, non, mais c'est ça. Mais moi, c'est le chaos total. Moi, je fais rien pour mes cheveux. Arrête, toi, tu travailles beaucoup pour tes cheveux. Ouais, c'est un thinking. Hey, c'était le gala des Olivier dimanche. Oui, et vous avez pas gagné. Non. Non. Peut-être parce que les gens connaissent pas assez votre émission. C'est peut-être ça. C'est ça. Moi, je suis parti tout de suite après notre catégorie, en passant. C'était la première, frère. C'est ça, je suis parti tout de suite okay, après. Bon, mais parfait. C'est pas. Faut pas penser, j'avais d'autres choses. Ah, OK. J'avais un soufflé dans le four. c'est pas de l'amertume. Non, j'avais un soufflé dans le four, puis je voulais qu'il reste bien soufflé. Puis vous aussi, vous étiez en nomination pour le meilleur numéro. J'ai pas gagné. Non, mais il y a un problème de. Puis j'en fais-tu un plat comme vous autres? Non, hein? Ben, je fais pas chier le monde avec ça, moi. Ben non, mais vous avez pas d'émission non plus, fait que c'est pas d'affaire. Quand vous en aurez une, vous voulez très chier. Ouais, ouais. Parlons de l'école d'humour, parce qu'on est à l'origine, en fait, tout est à l'origine de l'école d'humour, à quelque part. Quand on pense à ça, vous avez étudié à l'école d'humour. Oui. Vous avez même étudié sous le. C'était mon professeur, Fred Savard. Fred Savard. Ouais. Hey, ça, c'est mal parti d'une carrière. Oui. Ça scrape une carrière en partant. Ouais. Mais comment avez-vous fait pour être drôle quand même? C'est plus facile de dépasser le professeur. Et boy, que ça s'est fait vite, ça. Probablement après le premier cours, vous l'avez déjà topé. Hein, c'est vrai. Premier devoir. Oh, qui a même pas corrigé d'ailleurs. J'ai pas vu que c'est lisible. C'est... Ah! Ben non, je fais des blagues. François bon. Était bon. Ouais. On avait des pas bons, mais François était bon. Non, c'est vrai, mais... ce que j'aimais de Fred, il était très. Il était pas là pour se faire des amis. Il disait ça, c'est pas bon, oh, ça, c'est non, pas ouais, drôle. Non. Puis, non, il y a très peu d'amis, même, ouais, même, ouais. Dans... même dans l'équipe, c'est pas super. Mais vous avez quand même lâché une job payante, vétérinaire, pour devenir humoriste au début. Tout le monde dit ça. C'est. C'est ben, fou, hein, ça, ça passionne les gens. Hein, ben, le, moi, ça me partir fascine. D'une job payante pour oui. aller faire quelque chose que t'aimes. Ça, les gens sont pas... En même temps, c'est pas comme si l'humour était un big risk, là, dans la mesure où est-ce que je pense pas que Louis-José Hood conduise ça, c'est drôle, parce qu'on regarde juste... Là, tu regardes juste le top de la pyramide, là, en ce oui. moment. Oui. Mais il y en a beaucoup. Moi, je peux t'en nommer une centaine. Pas, c'est pas vrai, je peux pas t'en nommer une centaine. Ouais, là. Non, mais dans non. Mes, dans mes contacts Facebook, je serais ouais. capable de t'identifier une centaine ah, okay. d'humoristes que je vois dans les bars qui, et puis qui vivent avec 10 000 par année, 12 000, ont deux jobs. Puis c'est pas facile, ça prend de la passion. Donc, ben, vous avez laissé une job payante pour une job pas payante. Exactement, mais j'ai continué ma job payante. Moi, c'était vétérinaire est devenu une job à temps partiel pendant okay. que j'ai commencé l'humour. Okay, okay. J'étais chanceux d'avoir un métier qui me permettait de faire 2-3 jours semaine. Puis j'étais allé jusqu'à faire parce une ça, journée semaine seulement. C'est cher quand même. Puis deux jours semaine vétérinaire, on vit quand même bien. Ah, j'étais capable de appareil. Payer mon. Non, non, c'est ça, parce que ça coûte cher. Ah, oui. Moi, j'y vais plus avec mon chien depuis j'ai longtemps. J'ai même plus d'animaux à cause non, de non. ça. Non, non, ben c'est ça, c'est souvent ça qui se passe. Mais moi, je. Ça, ouais, ça, j'ai un j'avoue que ça coûte cher, mais. Ouais, ça coûte cher. Juste si possible de. J'ai un chien qui est peut-être un peu qui fait un petit peu dans bon point puis je sais qu'il me charge cher à chaque fois je vois mais là je vous ai ici François oh c'est pas ouais, pour les gens à la plein. Maison hein, mais je voudrais spécifier quelque chose Jean-Philippe est ici là ouais. avant que je commence à dire quoi ouais. que ce soit sur le chien je n'ai pas ma licence en ce moment parce que je l'ai non, pas payé non mais c'est pour ça fait que tu chargeras pas ça coûte non je chargerai rien puis j'ai pas le droit de donner des vrais conseils fait que ça va être des conseils d'un ancien vétérinaire ok parfait moi ça me va parfait est-ce légalement que... je suis couvert okay. alors Gaston, est-ce qu'il... Ouais. on me dit qu'il est gros. Bon, ouais, c'est un pog, ouais. hein? Ça... Ben moi, j'ai... Mais il est pas pour un pog. Mais c'est le museau. Je voudrais pas plus gros que ça. C'est le quand museau. Même si on étirait le museau, ça l'élancerait un peu. Ouais, c'est l'illusion. Ouais, c'est alors, il n'y a pas de museau. Il est pas si gros que ça, finalement? Non, il est pas si fait. Il est bon, pas hey, ça, il y en a qui vont remanger ouais. le bon en tabarouette. Non, mais hein? il est un petit... Je voudrais qu'il est à sa limite du poids santé. OK, ouais. parfait. Bon, on gère ça là-dessus, Gaston. Est-ce qu'il y a du tartre? Hein? Oh, il y a des belles dents. Il y a quel âge? Il y a 2 ans et demi, 3 ans. Ouais, ah, tu veux le tartre ici en arrière, là? Ah. Hein? Hein, on le nourrit avec quoi, ce chien-là? Des affaires, là. Ouais, ouais. ouais. C'est niaiseux, mais je viens de sauver quand même 150$ de consommation. Tu sais, je sais qu'il y a du tartre un peu, puis il est un peu gras. Bon, bingo, on continue ça. Ouais. Quand vous êtes sur scène, vous avez un personnage, hein? Le personnage ouais. du gars fâché qui crie fort. Ben, quand on essaie d'expliquer ça vite et sans réflexion, c'est oui. Exactement. Mais c'est ça, mais on écoute les sketchs, puis vous parlez fort. Vous êtes fâché. Quelqu'un de fâché. Ça vient-tu dans dedans? Parce que là, vous êtes proche de ses quelqu'un. Émotions. Puis on va dire que l'émotion qui arrive souvent en premier, c'est qu'il est fâché. Ouais, voilà. c'est ça. Mais c'est un peu comme Martineau, mais sur scène. Non, mais il y en a plusieurs des fâchés tout le temps. Et, ouais. C'est sûr que moi, je me fais tout le temps dire ça en premier. Fait que ça, ben, tu sais, c'était même pas en premier. Je suis pas devenu excité là, quand tu m'as dit ça. Non, mais c'était ça faisait longtemps là, qu'on avait commencé l'entrevue. Oui, oui. C'était genre aux 3/4 d'entrevue. Fait que c'est pas si pire que ça. Première partie de Louis-José Hood. Question technique. Oui. Vous êtes sur scène combien de temps? Pour combien de temps avant? 11 minutes pile. Ouais, pile. Parce qu'il m'a dit de faire 10. Et puis. C'est 11 parce que, tu sais, c'est difficile de tenir ouais. en laisse un humoriste. Là. Ouais, mais il fait pas d'entracte, Louis-José. Donc, il fait déjà plus d'une heure et demie. Plus, il veut pas que le show soit trop long parce que les gens vont à un moment donné se lever tous pour aller aux toilettes. Donc, c'est une question de respect aussi. Là. Donc, il faut pas que je dépasse. Là. Puis comment on est choisi pour être la première partie de Louis-José? C'est lui qui choisit. Nous, on est dans la même boîte de production. Ah, ça aide. Ça aide, c'est certain, parce qu'on s'y veut un petit peu plus dernièrement. Puis j'avais fait sa première partie pour certains spectacles corporatifs. Et puis lui, il a essayé 3 humoristes. Et puis, après m'avoir essayé, c'est bizarre de dire. Ah ouais, c'est bien. Non, mais il a trouvé que ça fitait avec son public. Et il veut... Louis-José est un perfectionniste dans tous les détails. Donc, pour lui, la première partie est quelque chose de très important, comme la fin, comme le milieu du show, comme un peu tout. Faut-tu pas trop être drôle pour pas y voler le stage? Non, j'ai jamais eu cette information-là. Je pense que ce qui est important maintenant, c'est d'avoir un style peut-être différent. Comme ça, si on parle des mêmes sujets, le gag est pas... Il est pas le même. Est pas le même, mais... Tu sais, je pense que c'est surtout ça qu'il cherchait maintenant, là, cette année-là. Puis, c'est le gars qui vend le plus de billets. Ouais, ben ça a l'air d'être Lise Dion qu'on a vu aux Olivier. Mais c'est je crois... le gars qui vend le plus de billets. Le gars. Ah oh ouais, t'as raison. Comment ça va? Il en vend beaucoup. Est-ce que vous avez des copes? Non, moi non. Dis-vous puis tu, je sais pas non, quoi moi, dire. Moi, je suis payé pour mon 11 minutes tout le temps le même cachet qui est quand même très intéressant pour 11 minutes, mais faut pas oublier qu'il faut que je me déplace, faut que j'aille là, faut. Et puis quand on est à Québec par exemple où j'ai l'hôtel fourni. Arrête donc. Mais pas les repas. Ah ouais. Pas les repas. Ah ben c'est cheap, rare, ouais, ça. Ouais, ouais. J'en parle à Louis-José, je le connais pas, mais on peut... Mais en passant, c'est une tournée extraordinaire, parce que c'est le fun de voir quelqu'un qui maîtrise très bien son métier. Pour moi, j'ai appris beaucoup à les suivre, puis à voir sa rigueur, et voir comment il travaille, comment les gens l'aiment. C'est... Fait que là, le vrai show de François Bellefeuille, ça va être en l'hiver 2014? Ben, je commence en août, le mais rodage. Mais le rodage? Ouais. Donc, les jokes plates? Ouais, les jokes... Qui pognent pas. Qui pognent pas. Mais en fait, mélanger avec ceux qui pognent. Ah, c'est ça, c'est ça. C'est un peu comme un bon vin mélangé avec de l'eau. Ouais, c'est, ça va s'évaporer d'ici février, puis après ça, on va voir le contenu. Ça. Parfait. Bon, on a très hâte, François. Vous, tu restes, parce qu'en fait, j'ai de la misère avec vous, puis tu. Parce que tu, normalement, je vous vois mes invités, mais je tutoie mon vétérinaire. Fait que là, j'étais un peu mêlé. Fait que ça se pourrait que je vous tutoie encore une fois. OK? Vous restez avec nous? Hey, ouais. Une bière? Ben, j'en ai une. Arrête, sans gluten. Ben oui. Ouais, ouais. Ben, Colin, rendu au tiers. Vous êtes un des plus persévérants. Ouais. OK. Elle est très bonne. Hey, est-ce que t'as pas parlé de la traduction? La traduction, hein? Oui, de sirop de canne pour candy syrup. Ouais. Mais c'est ils font ça dans le sous-sol. Hein. Ouais. le gardien de but Carey Price a avoué cette semaine que c'était pas facile de gérer la pression de jouer à Montréal, tellement qu'il sort même plus faire ses emplettes. Hein? Alors, l'émission L'épicerie de Radio-Canada a peut-être une solution. On écoute. Cette semaine, à l'épicerie. Avec l'été qui frappe à nos portes, on vous présente les meilleurs barbecues au propane et on en sniffe une bonbonne avec Martin Picard. On cuisine différentes sortes d'insectes et on vous donne des trucs pour bien les vomir. Et en fin d'émission, on aide Carey Price à faire son épicerie et on lui donne des trucs pour bien vomir dans l'allée du surgelé. L'épicerie, mercredi 19h30, en rediffusion une quinzaine de fois sur RDI. Ah ben c'est probablement à cause de sa présence au sein de l'émission que nous n'avons pas gagné l'Olivier de la meilleure émission radiophonique. Nous parlons évidemment de notre quelconque et assez médiocre reporter tout-terrain, Jean-Sébastien Girard. Jean-Sébastien, bonsoir. Ah, mon bon Jean-Philippe, comment allez-vous? Ça va, ça va? Oui, hey, vous avez pas fait votre palmarès au début de l'émission? Non. Vous savez, c'est mon moment préféré. Qu'est-ce qui s'est passé? Ouais, ben c'était notre bout le plus faible. Puis déjà avec Fred, ça faisait deux bouts de faible dans l'émission, fait qu'on voulait minimiser ça. Ouais. Mais là, maintenant, si vous commencez à enlever tout ce que vous faites dans l'émission, mon bon Jean-Philippe, on va se retrouver avec une émission d'une demi-heure une fois par mois, là. Ouais. OK. Vous parlez de quoi, là, ce soir? Ben, je vais vous parler de cette journée. Vous êtes probablement au courant, Jean-Philippe, lundi prochain. Ça va être la journée internationale contre l'homophobie. Ah. Et nous, à la soirée encore jeune, même si on trouve que ça n'a pas rapport à les gays, on se dit qu'en tant que diffuseur public, on a quand même la responsabilité d'en parler et de faire un effort pour comprendre et accepter cette terrible maladie. Et pour ce faire, on se trouve présentement au célèbre bar chez Mado, dans le village gay à Montréal, avec un invité qui va démystifier la réalité des invertis, et j'ai nommé le célèbre lutteur Jacques Rougeau. Ah. Comment allez-vous, mon bon Jacques? Ça va très, très bien, Jean-Sébastien. Content d'être ici, dans ce bel entourage. On est déjà assez bien. Merci beaucoup d'être avec nous. Dans quelques minutes, nous verrons sur scène le célèbre Juicy Fantasy, performé juste pour vous, Jacques. Mais avant, on va se rappeler les événements de la semaine dernière. Vous avez créé tout un scandale à la Radio X, en tant que propos bien sensé sur les fessies, mais des propos qui ont choqué quelques personnes. Entre autres, vous avez dit « Un homme, ça va avec une femme », tout à fait exact. Quand j'étais petit, on disait que c'était une maladie, puis là, on les laisse se marier, tout le monde est content, puis tout le monde danse, mais vous êtes revenu sur vos propos, vous avez beaucoup souffert, vous vous êtes excusé. Vous avez dit que vous avez beaucoup appris depuis. Vous avez donc partagé votre nouvelle expertise avec nous. Mais avant, je veux dire que j'ai été un peu déçu. Vous vous êtes excusé, vous avez reculé. C'est pas un peu un comportement de tapette, ça, justement, genre. Non, disons que je dirais que c'est plus humain, Jean-Sébastien. Non, il faut que je t'explique comment ça s'est passé. C'est que j'étais dans un talk show de 9h à minuit avec des lignes ouvertes. Et puis, l'animateur s'est en allé sur un sujet qui était sur les pédophiles. Et les gays. Alors moi, quand on parle de pédophile, évidemment, ça me stresse beaucoup. J'ai 3 enfants. Et puis, je pense que j'ai embarqué dans son jeu. Et mais finalement, j'ai mis un petit peu d'humour là-dedans en disant que, ben oui, c'est rendu qu'on laisse les gays à se marier. Puis, ça danse, puis ça chante ensemble, puis ils ont bien du fun. Et puis moi, du monde qui danse, puis qui chante, ça m'écœure. Grâce à vous, je suis en train de m'ouvrir l'esprit. J'ai le goût d'écouter du Marimé, puis de me mettre des boculottes. Merci beaucoup, Jacques. Alors, on va continuer un peu plus tard à comprendre davantage ceux qui sont affligés de l'homosexualité dans quelques minutes. Merci, Jean-Sébastien. Merci. Ouais. Vous écoutez La soirée est encore jeune, animée par Jean-Philippe Gaultier sur les ondes de la première chaîne, une émission qui a perdu son gala des Oliviers, au fond par quoi? La cul pis des votes comiques. Hey, vous êtes un bon imitateur. On n'est pas en mer du tout. Hein. Non, c'est ça. C'est ça qui est le fun. Hey, c'est pas rendu à vous. Oui. Le bout de plat. Ben avant d'aller plus loin, je vais faire une petite mise au point. Là. Mesdames, j'aimerais vous inviter à ne plus venir chez Roger pour tenter de m'aguicher et de me séduire comme l'ont fait des centaines de femmes depuis ma chronique de la Saint-Valentin avec Denise Bombardier. Hein, tout le monde s'en rappelle, bien sûr. J'avais lancé à plusieurs reprises une invitation en ce sens, mais malheureusement pour vous, mesdames, la place dans mon cœur est maintenant prise. J'entends déjà les soupirs de dépit de milliers de femmes d'un océan à l'autre, un dépit mêlé d'un soupçon de jalousie envers ma nouvelle promise que je ne nommerai pas. Appelons-la JL afin qu'elle ne soit pas victime de représailles, bien qu'il faudrait être érudit pour deviner de qui il s'agit. Cela dit, venez quand même chez Roger, c'est toujours un endroit formidable, principalement parce que je m'y trouve souvent, bien que cette semaine, j'y serai pas mal moins agréable. Et là, je vous entends encore déjà me demander « Mais pourquoi, Fred, serais-tu moins agréable, toi qui es si affable d'habitude? » Eh bien, c'est que j'ai décidé cette semaine de poursuivre mon expérience de la semaine dernière et de tenter ma conversion d'ultra-gauchiste en homme de droite. Et pour ce faire, ben, j'ai d'abord abordé un nouveau régime alimentaire cette semaine, constitué essentiellement de bacon le matin, de Clay sandwich poutine le midi et de viande rouge le soir, le tout arrosé copieusement de Bud Light. J'ai également laissé tourner le moteur de ma Buick Grand Sports jour et nuit. Burgundy Grand Sports. Ouais. Jour et nuit. Très belle voiture. Question que les émanations de monoxyde de carbone reconfigurent mon cerveau sans que je ne sente à rien. Et j'ai également... je me suis basé aussi sur une étude réalisée par Robert Altermaier. Je ne sais pas si vous avez vu ça sur le HuffPost. Là. Une étude qui a été faite en 2006 que Bruno Mars nous a offert. Une étude qui répertorie les 7 traits de personnalité du parfait drétiste qui sont les suivants. Ça, c'est un psychologue. Hein. C'est donc de la science. Bon, je sais, la science a un biais gauchiste, mais quand même. Alors, ça prend une pensée illogique, un esprit hautement compartimenté, le double discours, l'hypocrisie, l'absence d'autocritique, l'ethnocentrisme profond et le dogmatisme. Hey. On se croirait une soirée complète à TVA. Un cocktail extraordinaire pour des soirées réussies en bonne compagnie. Armé de ces 7 belles qualités, j'ai pu ainsi absorber l'actualité de la semaine d'une nouvelle façon et franchement, les résultats sont étonnants. En voici quelques exemples. D'abord, quand j'ai appris que la candidate libérale avait remporté l'élection partielle sur le conservateur Peter Penichew dans la circonscription de Labrador, je me suis tout de suite dit qu'il n'y avait que des chiens pour voter libéral. Labrador, chien, avouez que c'est habile. Non. Ensuite, non. Ensuite, oui, c'est vrai, humour et droite, ça va pas toujours ensemble. Ensuite, quand j'ai appris qu'Angelica Jolie s'était fait mastectomie. Qu'est-ce que j'ai dit? Angelica, mais c'est pas grave. Angelica, aussi, la madame. S'était fait mastectomifier les ogives pour éviter de développer un cancer. Je me serais normalement dit, comme tout bon gauchiste, qu'elle avait beaucoup de courage parce que, comme on le sait, mourir n'est pas agréable. Mais non, en bon drétier, je me suis simplement dit que le cancer était une invention des communistes puisque ni Staline, ni René Lévesque n'en était mort. Quand j'ai lu dans le journal La Presse que le PQ avait bonifié le régime d'aide financière aux étudiants de 120 000 $ c'est-à-dire 1 $ par mois pour chaque étudiant qui bénéficie d'une bourse, c'est-à-dire une minorité, je me serais dit dans mon ancienne vie, franchement, c'est juste des pinottes, mais j'ai plutôt ouvert le journal de Montréal, dont je suis maintenant abonné, et j'ai béatement opiné du bonnet au texte de Charles Lecavalier qui titrait plutôt « Noël pour 120 000 étudiants ». On rappelle, 1 $ par mois. En me disant que c'est vraiment l'écroté de carré rouge qui run le Québec, pas pour rien que Martineau a pas eu le choix d'accepter que Martine Desjardins devienne chroniqueuse dans son émission. Quand j'ai lu la polémique autour des blagues anti-souverainistes de Sugar Sammy, je me suis dit enfin un humoriste qui n'est pas de gauche pis qui en plus qui chie sur le Québec, c'est vraiment cool, mais en même temps, je me suis dit que c'était juste un autre artiste subventionné pis qu'en plus, il est pas mal trop basané à mon goût. Et quand j'ai appris que le gouvernement conservateur avait dépensé plus de 800 000 $ pour promouvoir sa réforme de l'assurance-emploi, normalement, dans mon ancienne vie de gauchiste, j'aurais fait les hauts cris, mais grâce à ma nouvelle configuration cérébro-libertarienne, j'ai plutôt fermer ma gueule, comme tout bon drétiste l'a fait, en me disant intérieurement que 800 000 $ pour vanter un programme qui va permettre de traquer les millions de parasites puis de paresseux qui fraudent mes impôts en recevant des tas d'or en chômage, c'est une maudite bonne affaire. Bon, je pourrais continuer ma démonstration pendant des centaines d'autres secondes. Non. Mais je pense que vous aurez compris qu'il n'est pas si dur d'être de droite au Québec. Il suffit d'avoir un peu de volonté et de mauvaise foi. Et la mauvaise foi, je pense que je n'ai plus à le démontrer. J'en ai un char puis une barge. Merci beaucoup, Fred. Hey. C'est la dernière semaine. Hein. La semaine prochaine, je reviens à mon ancienne vie en passant. Ah ouais? Ultra-gauchiste, on le sait. Ben oui, non, c'est malade. Ça, vous êtes un vieux. C'est malade, je m'habille en rouge tout le temps. Oui, c'est ça. Ouais. On va les retrouver, merci quand même. Hein. On va les retrouver Jean-Sébastien. Jean-Sébastien, vous en êtes où, là, hein? Vous? Ah, ben on est en train de se commander des shooters. Ça va rondement, toujours ici chez Mado, avec ce bon vieux rougeau avec qui on démystifie, je le rappelle, l'homosexualité. Alors, on boit, on se fait pogner les fesses, puis ça nous dérange presque pas. Et ça fonctionne tellement bien, notre concept, Jacques, qu'il y a des gens qui sont en train de nous écrire massivement ici à notre adresse de Radio-Canada. Alors, je vous lis le premier courriel qui dit ceci. Bonjour, mon bon monsieur Rougeau. Vous avez dit à Radio X, lors de votre fameuse entrevue controversée, que dans le milieu de la radio et de la télévision, il y avait beaucoup, beaucoup de gays. Vous pensez pas que c'est un goût préjugé et c'est signé J. Legendre. J'en ai fréquenté beaucoup. Et merci beaucoup, joyeux Legendre. J'ai un autre courriel ici qui nous vient d'un F. Bellefeuille. Ça dit ceci. Allô, je suis humoriste et votre discussion m'inspire une joke. J'aimerais que vous la lisiez en nombre pour me faire connaître. Alors, je peux y aller. Alors, la question, quel est le but d'un gay dans la vie? Et la réponse, c'est élargir le cercle de ses amis. Mais honnêtement, je la comprends pas. Moi non plus. Ah, ça a pas de bon sens. C'était pas drôle. Merci beaucoup pour tout le bien que vous faites à la société, mon Jacques. Je me sens encore plus ouvert. J'ai presque le goût d'aller m'acheter les films de Liza Minnelli puis de me toucher devant une photo d'Olivier Duquette. On se retrouve dans quelques minutes où je vais y aller de révélations intimes sur la vie des vedettes québécoises. OK, bye. À tout de suite. Ouais. Notre deuxième invité, Fred. Chroniqueuse au National Post, on peut la voir comme panéliste également à RDI. Accueillons Madame Tasha Kérédi. Allô. Merci. J'ai les deux. Ok, parfait. Tasha, merci d'être ici. Ben merci. Une chroniqueuse de droite à l'émission, c'est rare. C'est très rare. C'est vrai, on n'a pas de sens d'humour. Hein. C'est ça que j'allais. Ben, c'est ce qu'on se demande, on le sait pas. Je sais pas pourquoi je suis ici. Non, je sais. Vous êtes courageuse, parce que je vais vous le dire. Fred, c'est un vieux péquiste. Okay? Mais on est à Radio-Canada. Ouais, je le sais. Olivier, c'est un gauchiste. Oui. Notre réalisateur, Jean, là-bas, c'est un communiste. Ah ouais. Et François Bellefeuille a supporté les carrés rouges. Vous êtes très courageuse d'être ici, Mme Kérédi. Oui, OK. Avez-vous peur? Non. Curieuse, c'est ça. Ah oui, vous voulez voir comment... Ben moi, je dis on, mais moi, je suis espionne pas pour la droite. Vous savez pas, j'en résiste tout. Arrêtez donc, vous avez pas un micro, toujours? Non. Ah ben oui, vous avez un micro. Nous autres aussi, on enregistre. Non, ouais. Non mais... Il y a très rarement de la visite de la droite ici, on va se le dire. Hein? Pourquoi? Ben parce que Fred est quelqu'un de très violent. Les gens ont peur. Il est loin là-bas. Il y a au moins deux personnes entre lui et moi. Et ça fait du bien d'avoir quelqu'un avec une autre vision des choses ici. On a souvent eu des ministres péquistes, en plus, depuis qu'ils sont élus. Là, ils n'ont pas de sens d'humour non plus. En fait, ils nous font rire pas mal. Il n'y a pas de doute là. On en profite pendant qu'ils sont là. Oui, c'est ça. Ça va être assez rapide. Déjà qu'on a l'impression que ça fait comme 8 ans qu'ils sont là. Ah oui? C'est fou. On a eu aussi des ministres libéraux, mais on n'a pas eu de députés conservateurs à l'émission. Non, mais est-ce que vous en avez invité? Plein. Qui? Bon, il n'y en a pas beaucoup, il n'est pas français, mais... Maxime Bernier, voilà. Maxime Bernier, on l'a invité, oui. Il a un sens d'humour, lui. Mais il ne veut pas venir. Christian Paradis ne veut pas venir. On a invité Denis Lebel, il est sur le bord, là, Denis. Mais Denis n'est pas vraiment conservateur, il est juste élu. Fait que, non. Non, mais on le connaît. mais n'empêche, il y a très peu de gens pour défendre les points de vue de droite. Et on est content. On va vous laisser parler, d'ailleurs. Parce que là, j'ai l'impression que je parle depuis tantôt. Le premier sujet qui nous importe, vous êtes dans Radio-Canada. Vous êtes même chroniqueur à Radio-Canada, analyste. Et vous étiez d'accord, il y a quelques temps, avec les coupures qu'imposait Stephen Harper à Radio-Canada. Hein? Vous avez dit à tout le monde en parle, d'ailleurs, qu'il faut couper dans le gras. Ouais. Et je suis d'accord. Vous êtes toujours d'accord avec ça? Est-ce qu'on a suffisamment coupé dans le gras? dans le grand gouvernement de Radio-Canada, je ne sais pas exactement combien de coupures ont été faites ici, mais je pense qu'il y a beaucoup de coupures qu'on peut faire au gouvernement en général. Ouais. Oui. Il y a toujours du gras, d'ailleurs, mais ça m'inquiète un peu certaines coupures qu'ils font dans le département des sciences, l'Environnement Canada, etc. Non seulement parce que je pense, et mon Dieu, c'est tellement sérieux, tout le monde est silencieux. Mais ça, c'est on est pendu à vos lèvres. C'est ça, l'humour arrête. Non, mais honnêtement, je pense parce que c'est. Il y a certaines choses que je pense que le gouvernement, c'est important, la sécurité alimentaire et tout ça. Et je pense que le gouvernement a une certaine obligation et ça inquiète les gens. S'il y a un grand accident ou quelque chose qui arrive, les gens vont pointer les doigts aux conservateurs. Donc, ça, c'est et là, ils vont payer le prix. Dans ces inspecteurs et tout. Donc, on ne coupe pas nécessairement tout le temps à bonne place. Il y a encore du gras à couper à Radio-Canada. D'ailleurs, j'ai des noms, j'ai une liste à faire. Pas vous, hein? Non, mais on regarde le talent puis on coupe le. Ou la bière. Le la bière, c'est gratuit. La bière, c'est gratuit. Donné, c'est gratuit. D'ailleurs, mais pour que ça soit gratuit, il faut juste dire le nom. Glutenberg. Vous êtes né à Montréal. Oui. Vous avez grandi à Montréal, mais là, vous vivez à Whitby. Whitby, oui, Whitby. Prononcez bien. Ah, non, merci beaucoup. En Ontario, c'est loin de Toronto, ça? C'est la banlieue de Toronto, ça veut dire environ une heure de Toronto. Ouais, c'est toujours ça. La banlieue. 1h30, même, c'est la banlieue. Les gens font un 30 trajet. Alors, c'est à une heure de Toronto, okay. Près d'Oshawa. Pourquoi être parti de Montréal puis du Québec? Est-ce que c'est les maudits séparatistes qui vous envoyaient? Non, c'est mon enfant. Ah, arrête, il est né en Ontario, vous étiez ici. Elle est née. Non. C'est ça. Non, j'étais à Montréal. J'étais avec l'Institut Fraser. Peut-être ouais, que vous avez vu ça. Tout à fait. Un bel organisme de droite, voilà. Ouais. Et j'étais... je ne savais pas ce que j'allais faire. J'étais enceinte, j'étais dans une situation où j'allais être mère seule et je ne savais pas si je voulais continuer ouais, dans le même emploi, travaillant 60 heures par semaine environ et voyageant beaucoup. Et j'ai dit, bon, ma famille, ma mère et mon père qui est maintenant décédé, ma maman était là à Whitby, ma mère a dit, viens, passe ton congé de maternité et vois ce que tu veux faire. Et vous avez été charmée par Whitby? Ça a pris du temps. Ça a pris du temps. Non, j'allais dire, les gens de Whitby, c'est comme toute banlieue, c'est très différent. C'est plus au ralenti que le milieu urbain. Et est-ce que vous êtes ontarienne maintenant? Techniquement, oui, parce que mon permis de conduire est ontarien. Ah, mon Dieu! Ma carte assurance maladie, ben, peux-tu juste vous dire d'avancer un peu plus vite? Parce qu'honnêtement, des fois, être pogné en arrière d'un char conduit par quelqu'un de l'Ontario, c'est long. C'est horrible. Je suis d'accord avec toi. Ça n'a pas de bon sens. Conduire, les gens pensent que je suis très agressive quand je conduis. Les gens ah oui, disent, puis vous êtes à 50, une zone de 50. Oui, mais on peut sortir la fille de Montréal, mais on ne sort pas Montréal de la fille. La menace référendaire, là, je dirais, les anglophones, ils doivent être capables de lire les sondages. Parce que, c'est pas bien stressant. C'est pas vraiment la menace référendaire. C'est plus une incertitude de est-ce qu'on va avoir des restrictions comme la loi 14? Ouais. Est-ce qu'on va avoir des règlements environnementaux qui vont faire qu'on ne peut pas exploiter les ressources? Attendez un peu, le PQ sont en train de se tirer dans le pied. Il n'y a pas de stress avec ça. Ils ne sont pas capables de rien faire. Ils ont animé une conférence de presse à 5 minutes. S'ils ont une majorité, Ah, ils n'auront pas ça, là. Attendez, les avez-vous vus? On sait jamais. François, juste qu'ils puissent, mais que tous les mouvements souverainistes puissent se mettre ensemble, moi, je trouve ça effrayant. Là. Il y a une nouvelle dernièrement, là, comme quoi ils ont dit il faut se joindre au PQ et non pas faire une association. Mais avoir Québec solidaire, il faut tout mettre ensemble. Les organismes, ceux de l'option nationale, j'en vois un, option nationaliste. Il y a beaucoup d'options nationalistes. Moi, ils sont toutes là chaque semaine. Moi, j'étais beaucoup pour l'option nationale et puis, en fait, je suis juste tanné, ça se peut pas qu'ils se multiplient. Ces parties-là. Et moi je suis pour la souveraineté, mais je comprends pas pourquoi on n'est pas capable de s'entendre juste là-dessus et faire juste un parti. Là, ça va faire. Là, va falloir... Je vais te donner une leçon. Okay, la droite au Canada anglais, pour 13 ans, c'était la même sorte de chose. Se chicanait, c'était divisé. Et finalement, quand ils se sont mis ensemble, oui, ils ont réussi à être au gouvernement. Je suis d'accord avec toi parce que c'est vrai, Québec solidaire, quand on regarde la dernière élection, on peut dire que c'est à cause de ça, à cause de ce vote-là, que le PQ n'a pas eu sa majorité. Et Québec solidaire, vous voulez, tu sais, notre de réalisateur, oui, il est pro Québec solidaire. C'est ça, solidaire. Mais ils sont même plus de gauche. Même sont un peu plus de gauche que le PQ, c'est vrai. Une affaire, c'est que tantôt, on parle de... le français est extrêmement important au Québec, surtout pour ceux qui parlent français, puis c'est leur première langue, parce que on voit comme vous avez déménagé comme en Ontario, puis ça semble pas vraiment bouleverser beaucoup votre vie, mais il y en a ici, probablement, que déménager en Ontario, c'est changé, là, parce que finalement, on connaît pas bien la langue, on a de la difficulté, probablement, à avoir un emploi, puis... Donc, je trouve que pour les anglophones à Montréal, on devrait garder au Québec, les anglophones qui veulent ça, le bilinguisme, qui sont contents qu'il y ait le français puis tout ça, mais ceux qui... Je comprends pas pourquoi même les anglophones nous aident pas à sauvegarder le français au Québec. Et de toute façon, là, avec Justin Trudeau qui arrive, lui qui est franglophone, ça va pas tout régler, lui. Vous sentez pas ça, l'effet Trudeau? Tout va être beau dans pas longtemps. Tu ne peux pas perdre cet effet, l'effet Trudeau. Ben, ouais, moi, j'ai eu un choc. Hein. Je l'ai rencontré une fois dans ma vie. Là, bang! Ah ouais. Moi, je vais voter pour son parti, là, le parti Trudeau. Ouais. vous le sentez pas, vous, au National Post? Il paraît qu'il a charmé votre conseil éditorial. Ouais. Ben, il est charmant, il n'y a pas de question. C'est vraiment une personne charmante. Est-ce qu'il y a du contenu? On attend. Mais les gens semblent... C'est pas important. Les gens s'en soucient pas. C'est ça ce qui est effrayant. Et comme dernière question, parlant de manque de fonds, à Montréal, de Nicodère, est-ce que vous en pensez? Wow, son égo, c'est très grand. C'est vrai. C'est que ce serait comme votre Rob Ford, OK? À Toronto, Ford. Vous allez avoir Denis Coderre. Ouais, c'est bon, ça. Bonne c'est chance. Notre Rob Ford. Ben oui. Ben merci beaucoup, Tasha, d'être ici. Vous restez avec nous, j'espère? Oui, absolument. OK, parfait. Merci. Et on a de la bière à volonté. Fred, est-ce que vous vous présentez dans le prochain chroniqueur? Ben oui. Il n'a pas gagné d'Olivier cette année, mais ça ne l'empêche pas d'être le plus drôle, les chroniqueurs de la radio canadienne, grâce à ceux qui lui fournissent son matériel. Voici la chronique d'Olivier Niquette. Oh. 45 présentations, toujours aussi originales. Ben toujours. Oui, ben oui, j'aime ça. C'est ça le talent. Ben c'était le sujet qui était sur toutes les lèvres cette semaine au Québec. Maudit qui a fait frette. Une excellente occasion pour Éric Duhaime de déboulonner l'un des mythes les plus persistants de notre époque. J'espère que ceux qui pensent qu'il y a un réchauffement climatique ce matin vont se fermer à boîte pour 24 heures de faire geler tout seul. Faites deux un matin, chers amis qui nous parlez du réchauffement climatique. Dans votre face, les réchauffistes! On va enfin pouvoir passer à autre chose. Parce que des théories farfelues, là, il y en a plein d'autres. Justement, Jeff Fillion a bâti une théorie autour du fait que Victor Lévy-Beaulieu a écrit que le terrorisme, c'est bien correct des fois, et autour de la sympathie que bien des gens ont pour les carrés rouges. Conclusion, les Québécois sont des collabos. Ici, au Québec, là, il y a des gens qui sont prêts à servir les terroristes. Dans les histoires les plus atroces que j'ai lues de la Deuxième Guerre, j'ai pas lu autant que Yves. Il y avait des Français qui avaient prêté leur fille aux soldats de Hitler. Ils leur ont tout donné. Et moi, je pense que c'est le même ici. Toujours winner, Hitler. Et un jour, le gouvernement de Jean Charest en exil viendra nous libérer. Le Québec a même des politiques racistes. Hein? Comme Sylvain Bouchard de Cogeo l'explique, d'un côté, le maréchal Pierre Duchesne nie le droit du Canada anglais de triper sur la guerre de 1812, mais impose de l'autre côté les patriotes dans les cours d'histoire. Qu'est-ce que le ministre de l'Enseignement, Pierre Duchesne, a annoncé avant-hier? Qu'il allait rajouter des cours d'histoire pour parler notamment des patriotes de 1837. Il trouve qu'on n'en parle pas assez. Ça, c'en est du racisme envers le Canada anglais. Et personne ne le voit. Non, personne ne le voit, sauf l'œil de lynx de Sylvain Bouchard, qui a aussi lu une chronique de Raymond Giroux du Soleil qui écrivait qu'il n'y a pas suffisamment de diversité ethnique dans la ville de Québec. C'est encore une fois ce que moi j'appelle du racisme envers des Blancs. C'est la seule race que tu peux bâcher, c'est pas grave. Alors, Giroux écrit 9 sur 5 au Canada qui vient ailleurs. Il n'y a rien à dire contre ça, mais là, oh! Scandale! Québec est trop blanc. Parce qu'on est blanc, on est fermé sur le monde, on n'est pas dynamique. Ça va-tu faire bien à Québec, honnêtement, On est trop blanc! Wow! Trop blanc! On est trop blanc! Mais depuis que j'écoute Sylvain Bouchard, je me rends compte que l'homme blanc est victime d'oppression. J'ai hâte au jour où l'on sera libre de dominer le monde. Autre grosse nouvelle, la disparition des seins d'Angelina Jolie. Oui, ben évidemment, oui. Pas Angelica. Hein. Évidemment, ouais. Mme Jolie n'est pas la première à subir une mastectomie préventive, mais Jérôme Landry nous explique pourquoi elle obtient autant d'attention en disant tout haut ce que tous les hommes ont pensé tout bas dans leur bobette. C'est le nombre de gars qui se sont excités à regarder les photos des seins d'Angelina Jolie. On va se dire les vraies affaires. Il y en a une trollée, là. C'est, ça a tout un impact. Eh oui, pas un impact sur la sensibilisation face au cancer du sein. Non. Un impact chez les hommes qui ne pourront plus jamais jouir de leur corps de la même façon. Quel drame. Sinon, on apprenait récemment la création d'une commission qui se penchera sur la crise étudiante. Joanne Marcotte du réseau Liberté Québec est d'avis qu'il est beaucoup trop tôt et qu'on n'a pas besoin de jeter de l'huile sur le feu. En fait, c'est qu'elle est capable tout seul de l'alimenter, le feu. C'est juste pas le temps de remettre ouais. l'huile sur le feu. Laissons se calmer. Puis moi, je suis la première à ne pas m'être calmée sur la chose, puis je l'assume pleinement. Je me calmerai pas là-dessus. Pour moi, la liberté, elle mérite d'être défendue, puis défendue férocement. Férocement. Alors, si il faut que je sois là puis que j'ai de l'air d'un pitbull, ben crime, vous allez me voir en pitbull. Ah, quel bel appel au calme. Je me sens détendu, là. D'ailleurs, Mme Marcotte était à LCN mardi lorsqu'un auditeur a téléphoné pour lui dire, et je cite, de se fermer la gueule, ce qui n'est pas très gentil, il faut le dire. Une attitude qui est souvent l'apanage des freaks communistes, selon Jérôme Landry de Radio X. Les freaks communistes, sans argument. Puis tu sais, ça va loin, là. T'es un mange-marde, puis t'es un chien, puis... As-tu entendu? Est-ce que t'entends souvent, toi, des gens de droite? Non. Dire vous êtes des chiens, puis vous êtes des ci, puis des ça, quand tu parles des gens de gauche? Non. Pas mal juste. C'est pas mal tout le temps du même bord, là, qu'on entend ça. Oh boy! Pourtant, il arrive aussi, pas souvent, là, mais des fois, que la droite tombe dans les insultes. Où donc Jérôme Landry aurait pu regarder pour trouver un exemple? Ah oui, juste en face de lui, quand son co-animateur a dit que nous, anciens du Sportnographe, avions une petite bisoune. On va aller se battre contre tous les prétentieux, les micro-pénis du Sportnographe. Bon, je vous laisse là-dessus, ça me fait tellement peine que je vais aller me faire faire une vasectomie préventive. Merci, Olivier. Oh. La tragédie dans un atelier du Bangladesh il y a 2 semaines a fait réfléchir pas mal de gens sur la provenance des vêtements qu'on porte et qu'on achète ici. Et Walmart a d'ailleurs lancé une publicité pour redorer son blason. On écoute ce que ça donne. Walmart présente l'épicerie de la semaine. C'est mardi, vous avancez dans la semaine, l'armoire est pleine de nourriture et... Ah! Une boîte de céréales vide. Vous ne pensez pas à l'épicerie, mais quand c'est le cas, pensez au supercentre Walmart. Des kilomètres et des kilomètres de nourriture dans des allées qui peuvent accueillir un Hummer. C'est ça, Walmart. Est-ce que c'était la dernière tranche de jambon pour les lunchs? Chez Walmart, nos vêtements proviennent des meilleures couturières du Bangladesh. Imaginez notre jambon. Walmart, vivez mieux, mais juste ici. Le choix et la qualité peuvent varier. Vérifiez la circulaire et surtout en magasin. C'est avec grande déception qu'on va aller rejoindre Jean-Sébastien pour son 3e segment de la soirée. Jean-Sébastien, bonsoir. Bonjour Philippe, comment allez-vous? Ça va super bien. Hey, le party est pris chez Mado avec Jean Crouchon. Wouh! Hey, qu'on a du fun! Hey, c'est toi qui me ramène chez moi et à toi! Hein? Alors, Jean Crouchon, en ce nouveau porte-étendard de la cause gay, on termine cette conversation sur l'homosexualité. Oui. On démystifie. Jean Crouchon, dans cette fameuse entrevue que vous avez accordée à Radio X, vous dites « Si un de mes fils arrive à la maison à Noël avec un gars, pas certain que je vais trouver ça drôle, mais j'espère. Mais entre nous, on sait que ça risque pas de vous arriver. Je veux dire, vous les avez sûrement élevés comme du monde, ces enfants-là. Vous les avez pas élevés en tapette. Je veux dire, vous les avez sûrement pas amenés au théâtre ou faire du patin de fantaisie, c'est bon. Dernière question. Il y a des gens qui disent souvent que les hommes qui ont un peu de misère avec les gays, c'est peut-être qu'ils sont un peu eux-mêmes gaylons là. Donc, je suis certain qu'il y a des gens à la maison qui se disent d'un coup, Jean Crougeau, il dit ça parce que dans le fond, il n'y a pas ça, un petit paquet ben tête dans un sou de lutte. Vous pensez quoi de cette théorie-là, Jean? Écoute-moi bien, Pico. C'est rose un peu, mais pas si rose que ça. Je vais vous montrer quelque chose, et ça existe pour vrai, un site internet qui s'appelle Gay or Straight. On trouve ça sur gay-or-straight.com. On trouve un gay-omètre. Alors, le public vote sur la probabilité, selon eux, que tel ou tel artiste soit gay ou straight. Alors, regardez, j'ai téléchargé sur ma tablette ici. Par exemple, Justin Bieber, selon les votants, il est gay à 80%. Ça doit être. Bono de U2 est gay à 25% seulement. Et imaginez donc, il existe une page Jacques Rougeau. Voulez-vous la voir? Alors, je la télécharge. Êtes-vous curieux du résultat? Oui. 80%? 80%? Juste ça? Ah ben là, je suis déçu. Hey, pas pour ça, 80%, c'est hot. Je t'égale avec Justin Bieber. Mais moi, Jacques, même si vous êtes gay, ça me dérange pas. Vous demeurez un bon lutteur pour moi, tant que la job est bien faite. J'ai pas de problème avec ça. Alors, je vous remercie beaucoup d'avoir été avec nous. Où on peut vous voir bientôt, Jacques Rougeau? Ben là, j'ai pas emmené ma liste de mes spectacles familiales, mais une place, tu ne verras pas, c'est dans Parade cet été. On va vous suivre sur jacquesrougeau.com. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Et Jean-Philippe, n'oubliez pas, lundi prochain, c'est la journée contre l'homophobie. Donc, pendant 24 heures, interdiction de crier des insultes aux gays. On va se retenir. Merci, Jean-Sem. Au revoir. Seigneur. Ah, oh, il nous reste-tu encore des affaires à faire? Oui. Ah, une dernière chroniqueuse? Son regard absurde sur l'actualité insolite nous fait croire que s'il existe un monde meilleur, il est dans la tête de notre chroniqueuse. Accueillons Léa Strelitzky. Ah, Léa, bonjour. Léa, qui suit des... Qui suit des cours à l'école de l'humour. Oui, absolument. Aïe, aïe. Mais à chaque fois que je fais une chronique, il y a un humoriste à côté de moi. Puis là, évidemment, je ne parle pas de toi, je parle des de cours, France. Le cours du soir. Du soir. Oui, je ne suis pas vraiment à l'école, donc c'est ça. Pas les moyens, j'imagine. Mais non, non. Ça, c'est non, mais bien, j'écoutais ça, bien, ça non, mais j'écoutais bien ce que vous disiez tantôt. Choisis un peu ce que tu as besoin. Et puis... Oui, ouais. C'est ça. Et j'ai aussi pas les moyens parce que je travaille ici. Une fois par mois. OK! les nouvelles qui vous ont marqué cette semaine. Oui, les nouvelles insolites cette semaine, plutôt dans le mois, donc. Ouais, ouais, c'est ça, pour commencer, il y a le président Obama, il a trouvé une manière originale d'empêcher ses filles de se faire tatouer. Il leur a dit que si elles se faisaient tatouer, il irait avec elles se faire faire le même tatouage au même endroit sur le corps et qu'il dirait sur YouTube que c'est un tatouage familial. Ah, ouais, une ben belle, ça, ouais, ben, effectivement, ouais, une belle manière d'humilier tes ados. en même temps, je sais pas si je mettrais au défi ma fille de 14 ans de me faire chier, moi, tu sais. J'aurais peur que toute la famille se retrouve avec horny dans le bas du dos. Ouais. Ben, ça serait bon. Ou ouais, que ça encourage ses filles éventuellement à se faire tatouer sur une partie du corps que papa n'a tout simplement pas. Bien ça, ça peut être dangereux. parlant de partie du corps, ouais, en Hongrie, il y a un homme qui a conduit jusqu'à l'hôpital après s'être coupé un bras avec une machine. L'article dit pas, par contre, c'est quel type de machine. Alors, si vous avez des machines à la maison, méfiez-vous, il y en a une qui peut vous couper un bras. Okay, fais... Moi, ma machine à café prend le bord à soi. Non, d'après moi, c'est le fax. Ça fait un bruit weird, cette affaire. À Vienne, il y a un troupeau d'animaux de cirque qui a réussi à faire irruption dans un stade où se disputait un match de soccer féminin. Donc là, si quelqu'un se demandait ce que ça prendrait pour que quelqu'un s'intéresse enfin au soccer féminin, c'est 5 chameaux, 8 lamas. Ah, OK. Donc ça, c'est fait. C'est noté. Ensuite, on a appris que certaines personnes louent des handicapés pour éviter de faire la queue à Disney World. Ben, en même temps. C'est pour... Mais c'est cher. C'est 1 000 $ par jour. En non, plus? Mais en même temps. Ouais, moi, je peux pas me payer ça, c'est sûr. Mais tu sais, si tu veux vraiment pleinement vivre la magie de Disney, ben, tu sais, au bras d'un handicapé, ça se fait bien. Mais là, si vous vous demandez quel genre d'humain, de ville, ouais, personnage ferait une chose pareille, ben ce sont des mères de famille de Manhattan. Ben garde, t'sais, t'es moyen. Ben non, mais écoute, Jean-Philippe... Mais l'handicapé, t'es obligé de faire le manège avec toi? Non, tu pars. C'est comme Gaston, tantôt. C'est comme Gaston, tu sais. Fait que c'est ça, fait que c'est des mères de famille qui font ça, mais Jean-Philippe, si tu savais comme c'est facile de crosser le système en même temps, quand tout le monde pense que tu fais le plus beau métier du monde. Ouais. Tu sais, j'en sais quelque chose. mais non, mais personne. Oui, c'est ça. Ah, okay. C'est le plus beau métier du monde. Ben oui, c'est pas le plus vieux, par exemple. Ah. Ben, techniquement, oui, mais c'est pas celui-là qu'on appelle. En tout cas, ouais, okay, mais d'accord, c'est mélangeant, il y a une fonction en commun. C'est aussi. Ça. En tout cas. c'est ça, mon dernier point. Joke oui, ou non, c'est il y en bon, avait ouais, un okay, dernier, vas-y. C'est que ben c'est ça parce que personne nous soupçonne. Puis dire que la dernière fois que je suis allée à Disney World, j'étais enceinte de 7 mois, j'aurais tellement pu me pogner une chaise roulante, puis je l'ai pas fait. Ouais. Ça c'est fait. Okay, et good. En terminant, coché. Oui, ah, une dernière. Ben une joke de micro pénis comme. Une joke de pénis. Non, même bon, pas, c'est une joke de pénis. Ouais. Ok. Il y a un Suédois de 35 ans qui est mort après avoir inséré son pénis dans un essaim d'abeilles. Ah. Oui. Oui. J'ai vu ça. Ben ça paraissait pourtant être une super bonne idée. Ben moi j'aurais, en tout cas. Mais sais-tu ce que ça m'a rappelé? Ça m'a rappelé le film L'été de mes 11 ans, là, My Girl, quand Michael J. Culkin il meurt parce qu'il se fait piquer par des abeilles. J'ai pas vu ça. Hey, ça avait été tellement un traumatisme voilà, d'enfance. Non, je okay, pars même place. Non, pas à cause de ça, non. Ça m'a aussi rappelé que vous aimez vraiment mettre votre pénis dans des endroits bizarres. Ouais, ben ça c'est cool, honnêtement. Non, mais ça a pas été prouvé que c'était faux, finalement. C'était un canular. Je pense que oui, mais en même temps. C'est drôle. Mais merci, Fred, de m'aider, hein, d'enlever mes sources sûres pour mes nouvelles insolites. Encore Fred, tu penses qu'il fait un documentaire à chaque semaine. Ouais, il y a une raison pour qu'il n'y ait pas de rôle, ce gars-là. On est tout cas à l'ONF, moi. On est en train de dire que c'est peut-être pas vrai, puis qu'il est vivant, puis on est comme déçus. Ouais, c'est ça! Mais essayez-le à la maison, dans ce cas-là, pour savoir si ça fonctionne. Ben oui! Parce que là, on est comme pas sûr. Ben, un pénis, c'est un pénis, là. T'en as d'autres. En tout cas, OK, on. Ça pousse. Ouais, c'est ça. C'est déjà tout pour ce soir. C'était le temps que ce soit tout pour ce soir. Oui, je pense que ça, c'est fait. On vous invite à rester à l'écoute dans quelques minutes. C'est Plus on est de vous, plus on lit. Et ensuite, c'est Bande à part. Merci à toute l'équipe, Valentine Ticotte, Jean-Louis Gagnon, Steve Côté, Philippe Robert. J'ai un gros, gros merci à nos invités de ce soir. François Bellefeuille, sur votre site web, toutes les dates pour le rodage, donc les Joke Pets et les Joke Bonnes. Et le premier vrai spectacle en février à Montréal pour toutes les Joke Bonnes. Et Tasha Carradine, on vous lit dans le National Post, évidemment, et on vous réinvite n'importe quand. Parce que vous êtes la seule de droite qui peut venir. Alors, quant à nous, si vous voulez écouter l'émission, notre balado est disponible sur notre site web. Et si vous voulez aussi venir à l'enregistrement, on enregistre les jeudis à 17h. Envoyez-nous un courriel et on se fera un plaisir de vous réserver une place avec nos invités de marque la semaine prochaine. C'est ça. OK. Alors, ici Jean-Philippe Vautier. À confirmer. Ouais. Qui vous souhaite de profiter de cette soirée qui est encore jeune, tout le monde.